Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot de Montbéliard, monsieur Yousri El Yacoubi. Salut Sofiane, bah écoute, je t'ai préparé une petite anecdote de galère. Aux petits oignons. une petite galère assez sympa. En fait, on m'avait commandé un spectacle d'humoriste, donc un petit plateau, on va dire, et c'était une entreprise privée. Et la patronne était adorable, mais vraiment adorable. Et puis, alors, elle me dit, voilà, je voudrais faire une surprise pour mes employés parce que ça a été un début d'année difficile. Et là, à la fin de l'année, c'est beaucoup mieux. Donc, tout le monde s'est investi et ça me tient à cœur, voilà, de leur offrir. Voilà, pour moi, c'est un cadeau. Et donc, c'est pour la fin de l'année, pour le repas de Noël. De l'entreprise, où je voudrais leur offrir ce spectacle d'humour et tout ça. J'ai dit, bah, c'est très touchant et j'ai été vraiment touché par la démarche. Et donc voilà, on s'accorde et tout ça sur toutes les modalités. Et arrive le jour J. Et le jour J, en fait, on se rend compte de deux erreurs majeures. La première, c'est que tous les employés étaient là, ils avaient pris l'apéro, ils avaient mangé, tout ça, machin, blabla. Donc, ils n'étaient pas disposés à recevoir un spectacle. Alors, mais la première des choses, c'est qu'effectivement, déjà, de toute façon, ils n'étaient pas au courant. Déjà, oui. Donc tu vois, leur balancer un spectacle d'humour comme ça, genre pas au courant, ils s'y étaient pas préparés, c'était déjà complexe. Et deuxièmement, ils étaient torchés pour les trois quarts d'entre eux. Mais quand je te dis torché, mais vraiment, c'est-à-dire que ben, spectacle de fin, enfin repas de fin d'année bien arrosé, tu vois. Ouais. Et donc moi, j'ai toujours pour habitude, comme tu me connais, d'ouvrir. Hein, j'essaie de faire tu tout présentes, le temps. Tu chauffes. Voilà, j'essaie d'aller au front pour essayer de faciliter à mes camarades derrière que ce soit un peu plus simple. Et là, je vois. Que le public et enfin il y a les fronts qui brillent, tu vois, et il y avait pas mal de dégarnis, donc tu vois, du coup ça, il y avait beaucoup de nuisances, tu vois, qui me revenaient dans la gueule. T'es obligé de jongler avec de l'impro, et ce qui est bien, c'est que dans l'adversité, parce que là, si tu veux, c'est pas le genre de scène où t'arrives, tu déroules ton sketch avec ton jeu d'acteur, avec tu vois ce que je veux dire, tout est typé, topé, nickel chrome, non, et là, tout ça. Là, il faut être prêt à ce que là, ça parte en vrille à ouais, tout moment. Là, là tu, mets les, tu te mets en mode 4x4, tu vois, tu te mets en mode tout terrain, et tu vas chercher. Tu vas, ouais. Ah oui, t'es navigues à vue, quoi. Indiana Jones avec la machette, tu sais, tu vois, dans la brousse, tu vois, dans la jungle. Et donc, je vais chercher, et puis au final, j'ai réinventé des vannes, en fait, dans le sketch qui marche très bien. Ils t'ont poussé, en fait, dans tes derniers retranchements. Et exactement, j'étais vraiment poussé. T'as donné le meilleur de toi-même et du coup... J'étais au taquet. Bah écoute, c'est une galère qui s'est transformée en quelque chose de positif. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup Yousri pour cette anecdote. Merci à toi, Sophie. Avec plaisir. On te retrouve sur les réseaux sociaux ? Ouais, sur Facebook notamment. D'accord, donc Yousri El Yacoubi. Ouais, et vous vous démerdez pour l'orthographe. Ah ça, j'avoue que si vous arrivez à retrouver sans qu'on donne l'orthographe, franchement vous méritez des places gratuites. Envoyez-lui un message de ma part, si jamais vous l'ajoutez sur Facebook, envoyez-lui un message de ma part, j'ai réussi à trouver ton nom, je veux des places. Voilà, c'est comme ça. Et en plus vous serez pas déçus, je peux vous l'assurer. Mesdames et messieurs, pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Humoriste sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, bis à tous, même à toi là-bas.